Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Olivier Touré. Salut Olivier, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va nickel et toi ? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi surtout. Ah bah, ça me fait plaisir de te recevoir, hein. C'est normal de proposer aux collègues du stand-up, surtout ceux qui aiment la scène vraiment et je sais que t'en fais partie. Et justement à ce propos, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ah j'en ai deux, bah, je me suis pas embêté, je vais prendre la première. Le premier bide, vraiment mon tout premier bide, en fait, c'était avec Arnaud Cosson, voilà, qu'on embrasse s'il nous écoute. Bien sûr. En fait, il jouait dans un théâtre, donc je suis allé voir son spectacle, vraiment son spectacle, voilà, vraiment nickel, propre, carré, vraiment. Et je vais le voir à la fin, je lui dis « Ouais, Arnaud, est-ce que demain je peux faire ta première partie, tout ça ?» Et bon, il a senti dans mon discours que j'étais un peu novice, tu vois, dans le métier. Et c'est vrai qu'il a eu raison, il m'a dit « Ouais, tu sais, les premières parties, c'est la chose la plus délicate. » Et je lui dis « Mais t'inquiète, je gère. » Mais en fait, je gérais rien du tout parce que ça faisait juste une semaine que je faisais du one man show, donc j'y suis allé. Écoute-moi, c'était les, j'ai cru que j'allais crever quoi. C'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. En fait, tu sais, t'entendais même pas les mouches dans la salle, t'entendais le ronronnement des projecteurs. Tu connais cette sensation ? Oui, ben... là tu sens que le silence il fait mal. C'est ça, exactement. C'est le pire silence qu'il puisse y avoir. Et la deuxième anecdote ouais, qui m'a marqué, c'était en première partie des Glandeur Nature. Là, pour le coup, tu vois, ça s'est bien passé. Voilà, la première partie, tu vois, 10 minutes, voilà, correct. Et il faut savoir qu'en fait, dans la vie de tous les jours, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je travaille comme électricien. Oui. Donc, j'ai fait mon passage, je suis sorti de scène. Les Glandeur Nature sont rentrés. Et eux, voilà, au bout de 3 minutes, tu vois, ils ont pris toute la salle avec eux, vraiment, ils assurent, ils ont le public déjà avec eux. Et je les regardais, tu vois, des petits coins de la coulisse, et je me disais vraiment, ils assurent. Et j'aimerais être, tu vois, un jour comme eux, laisser tomber mon boulot d'électricien pour faire vraiment de la scène. Et je ne sais pas si c'est le karma qui m'a écouté ou pas, mais en fait, peut-être, allez, une minute après que je me sois fait ce discours, coupure de courant dans le théâtre, et... Par chance, en fait, il y avait le disjoncteur principal qui se trouvait juste derrière moi. Leur spectacle a duré 1h10 et j'ai remonté le disjoncteur 5 fois. Et là, je me suis dit, OK. Du coup, tu étais plus régisseur que première partie, quoi. Exactement. Ça, ah, c'est mal à l'ego. C'est beau, ça. Et est-ce que tu leur as dit après Ah ben, ils l'ont vécu, en fait, avec moi, qu'on était du coup dans la même galère. Oui, mais je veux dire, non, mais je comprends, mais est-ce que tu leur as dit que c'était toi qui avais remonté le disjoncteur à chaque fois ? Ah ben, ils l'ont vu en fait parce qu'il était placé vraiment, tu sais, quand tu rentres sur scène, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, l'espèce de rideau hydrofuge, tu sais, noir là. Ouais, ouais. En fait, il me voyait en fait remonter à chaque fois le disjoncteur. Après, bon, bien sûr, on en a rigolé, mais c'est vrai que c'était assez. Même pour moi, je me suis dit, ok, bah, c'est pas encore demain que je vais vivre de ça. Je pense que c'est pas vraiment un obstacle en fait, tu vois, voilà, faut juste se dire que sur le moment c'était cocasse de te retrouver en électricien alors qu'à la base tu pensais quitter le métier, et puis un jour tu pourras le quitter réellement et ce sera juste mérité parce que t'auras bien galéré jusque là, tu vois. Ah ben, pourvu qu'on t'entende, mon soso. Écoute, franchement, ce genre d'expérience là c'est formateur. Et puis, je suis d'accord avec Arnaud Cosson, tu vois, quand il t'a dit, c'est chaud, vraiment, la première partie, c'est un des exercices les plus durs à accomplir. Moi, je suis totalement d'accord parce qu'une première partie, en fait, même quand t'es bon, c'est pas une question de bon ou pas bon. Bon, bien sûr, quand t'es bon, c'est plus facile. Mais même en étant bon, les gens, il y en a qui sont bloqués par le fait que c'est pas toi qui sont venus voir. C'est ça, complètement. Puis tu sens que, bon, il y en a dans leurs yeux, ils sont en train de penser à 5 minutes en plus au parc-mètre. Ouais. Donc, c'est vrai qu'ils, comme tu dis, en fait, ils sont tellement pas là pour toi que tu as l'impression presque de les déranger, quoi. Et c'est vrai qu'il a, ouais. Avait totalement raison. Et enfin, même moi, de ma petite personne sur mon spectacle, c'est vrai que voilà, des premières parties, bah, c'est un peu le discours aussi que j'ai tenu. Je leur ai dit, ouais, faites attention. Bon, après, moi, je les ai pris. Je suis qui pour refuser quelqu'un? Mais voilà, j'ai aussi maintenant ce discours de réflexion que je dis en fait aux gens, voilà, qui me propose en fait de faire ma première partie. Oui, oui, ben parce qu'en fait, si tu veux, c'est, je pense que c'est qui tout double en fait. C'est qui tout double. Après, ça peut être un peu, tu vois, genre mitigé, mais la plupart du temps, c'est qui tout double. C'est soit tu vas bider sévère parce que les gens veulent pas rire avec toi parce que c'est pas toi qui sont venus voir, soit tu vas cartonner et tu vas réussir. Et ça, c'est une des meilleures sensations, c'est quand tu réussis à attraper un public qui n'était pas là pour toi à la base. Et du coup, tu kiffes parce que tu les as conquis, en fait. C'est une espèce de conquête que tu as lancée et qui a eu un succès à la fin, tu vois. Donc vraiment, je pense que c'est un des meilleurs sentiments de réussir à séduire un public qui n'était pas venu pour toi. Mais complètement, complètement. Puis après, l'après, quand tu as des gens justement qui viennent te voir parce qu'ils t'ont vu en première partie d'un tel, ben ouais, c'est vrai que ça fait relativement plaisir, ouais, ça c'est clair. C'est gratifiant, quoi. Et donc, pendant la première partie d'Arnaud Cosson, comment les gens, enfin je veux dire, est-ce que les gens t'ont regardé à la fin quand ils t'ont vu passer, tu sais, genre à la sortie, est-ce qu'ils t'ont regardé, est-ce qu'ils t'ont dit courage, je sais pas. Bah, y a un monsieur qui m'a dit ouais, vous c'était pas très drôle mais viens on boit un coup. Ah, le bâtard, il m'a offert à boire avec Arnaud là. Uh-huh. Et après ouais, t'as des gens, ouais, ils me sont passés devant et puis ils ont tracé leur route. Ouais. Bah, souvent c'est le regard qui fuit parce qu'ils veulent pas affronter ton regard, mais je veux dire, le mec il t'a dit texto, vous c'était pas drôle mais je vous offre à boire. Alors, est-ce que c'était une proposition de sa part d'améliorer ton humour grâce à un état d'ébriété avancé? Non, honnêtement, voilà, je pense que après j'ai discuté avec ce mec-là et voilà, il me disait que voilà, c'était un peu voilà, que c'était, comment dire, que c'était frais, qu'on sentait que c'était pas maîtrisé. Mais honnêtement, voilà, il a eu quand même des bons retours et ce monsieur, il était vraiment loin d'être méchant. Donc on a profité, voilà, de boire un coup pour qu'il me donne, voilà, ses ressentis et ses retours. Donc ça partait quand même d'un bon sentiment, même sur le coup, je sais pas trop si le mec il se fout de toi ou quoi, tu vois, à te proposer de t'offrir un verre. Alors ouais, mais en fait non, pour le coup, c'est vrai qu'après, moi je te dis il y a deux solutions. C'est soit il s'est dit ce pauvre petit gars, il a besoin d'alcool pour être plus drôle, tu vois. Soit il s'est dit, c'était tellement dur et tellement douloureux, vu que même les mouches se sont arrêtées de voler, tu vois, et du coup, il a besoin d'alcool pour oublier ça, quoi. Ouais, je ne saurais pas te dire, mais c'est vrai que c'est deux théories qui sont complètement plausibles, ouais, c'est clair. Et Arnaud Cosson, quelle a été sa réaction? Bah, franchement, sur le coup, il m'a dit, ouais, c'était cool et tout, et après, je l'ai recroisé sur un autre festival, et au Festival d'Avignon, et puis maintenant, voilà, on en rigole. Mais dans tous les cas, de toute façon, il a été adorable. Oui, voilà, c'est gentil de sa part. Et puis, avant c'est ma pas, c'est... et après. Oui, voilà, mais c'est pas méchant de sa part. Si tu veux, il voulait te protéger parce qu'il sentait bien que tu étais novice, comme tu l'as complètement, dit. Complètement. Voilà. Et puis, à la fin, si tu veux, quand toi, tu prends des gens en première partie et qu'ils bident sévère, t'as toujours mal pour eux, en fait, parce que t'es pas en colère, parce que toi, après, tu vas arriver, tu vas faire ton spectacle. T'es pas en colère, mais par contre, t'es mal pour eux, parce que tu te dis, ah, c'est dommage, il va garder un souvenir de mon spectacle comme étant une souffrance. Complètement, c'est ça. Moi, c'est, en fait, j'ai le même truc que toi, c'est que je pense, en fait, avant tout à lui, et oui, non oui. Pas à me dire, ouais, comment je vais rattraper ça ou quoi. Moi, j'ai la même, tu vois, la même sensation que toi, penser vraiment à lui, à son ressenti, à lui. Quoi. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, est-ce que ça fait longtemps que tu as arrêté de pleurer en voyant les photos d'Arnaud Cosson? La semaine dernière. Du coup, je suis arrivé pile au bon moment pour faire le podcast, genre juste après ton processus de guérison. Exactement, voilà, c'était très, très bien calculé. Non, mais par contre, c'est gratifiant, c'est que tu vois, bon, sur le coup, ben, c'est vrai que quand tu rentres chez toi, le chemin, il est quand même assez long. Mais après, voilà, ce qui est quand même cool, c'est quand tu recroises l'artiste en question, voilà, tu en rigoles avec lui. Et c'est ça qui est génial, quoi. Oui, et puis surtout, s'il peut te voir, si ce soir-là où tu le recroises, il peut te voir vraiment cartonner, bah, du coup, il va se dire, ah ben, c'est bon, t'as fait du chemin depuis, tu vois. Ouais, t'aurais cette double fierté, voilà, ça n'a pas été le cas, on s'est juste recroisé, voilà, comme ça. Ah, d'accord, il n'y a pas eu de scène, quoi. Non, du coup, en fait, on ne s'est pas revus mutuellement, tu vois, jouer, on s'est croisés dans les couloirs du festival et après dans les rues d'Avignon. D'accord. Ben, j'avoue qu'après, si t'avais vu sur scène que ça s'était mal passé et que le même mec que la première fois t'avait dit « Venez, je vous offre un verre », là, c'était chaud. Non, mais là, ouais, t'imagines le dessin animé, quoi. Eh ben oui, mais après, c'est des apprentissages, c'est des passages obligatoires, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là, parce que si tu passes pas par là, tu sauras jamais ce que c'est que la vraie scène, tu vois, le vraiment conquérir un public, c'est-à-dire que si t'arrives et tout est facile, tu vas jamais apprécier, alors que ça, quand t'arrives, que c'est dur, que tu bides, petit à petit, tu arrives à faire passer une blague, puis deux, puis trois, puis ton passage entier, puis un deuxième sketch, puis un troisième, puis un spectacle. Tu vois, là, c'est un cheminement où tu dis, ah ouais, là, je l'ai mérité, quoi. Comme ça, le jour où tu joues ton spectacle et que tous les sketchs tapent dans le mille, vraiment, ça tape en plein cœur des spectateurs et tout, ça marche, tu vois les gens rire, se tenir le ventre tellement ils rigolent et tout, tu vois, et bien là, tu dis, j'ai gagné. Et tu repenses à la première partie de d'Arnaud Cosson, tu repenses à la première partie des Glandeurs Nature, et encore là, tu m'as dit que ça s'était plutôt bien passé. Oui, complètement, complètement. D'accord. Complètement. Bon, ça va. Là, c'était plus au niveau électrique. Là. Voilà, là. C'est ça. Ça c'est plus le tableau qui a déraillé plutôt que moi. Voilà, c'est ça. Alors, je vais refaire la phrase. La fois où tu vas dans un spectacle et tu vois que les lumières marchent bien, le disjoncteur tient, là, tu te dis, je suis fier de moi, tu vois. Exactement, j'ai fait mon bon boulot d'électricien, mais sur scène, c'est ça ma fierté. C'est ça, c'est ça. Bah écoute, quelque part, pendant le spectacle d'Arnaud Cosson, est-ce qu'il y a eu un bug électrique ou pas? Non, tout s'est très bien passé. Eh ben, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, tu vois. Regarde, là, toi, t'avais l'un ou l'autre, c'était un peu un interrupteur on-off, tu vois. C'était soit le spectacle marche, mais pas l'électricité, soit l'électricité marche et pas le spectacle, c'est pas grave. C'est ça l'histoire de ma vie, tu te rends compte un petit peu, c'est tellement ça. Du coup, je pense que tu es condamné à jouer en plein jour et en plein air. Exactement, ouais, devant des gens ivres. Et qui te font « c'était pas drôle, viens, je te paye un verre ». C'est ça, exactement. Tu as la fameuse phrase, en fait, je viens d'y repenser, tu sais, tu as la fameuse phrase quand tu bides où on te dit « ouais, il y avait une belle énergie ben ». Là, je pense qu'avec la telle violence que j'ai eue sur la première partie d'Arnaud Cosson, je pense que si on m'avait dit « ouais, il y a une belle énergie », je pense que j'aurais pris ça pour un compliment, tu vois, tellement que c'était violent. Oui, le fameux belle énergie, bravo. Ouais, c'est ça, énergie. Belle énergie. Voilà. Ouais. Et il y en a trois, de toute façon, on en a déjà parlé dans le podcast et tout, mais il y en a toujours trois. Il y a toujours belle énergie, courage aussi, tu vois, bon courage. Et le dernier qui fait le plus mal, c'est vous avez un travail à côté, j'espère. C'est tellement ça. Ah, c'est dur. Hein. Mais tu vois, le mec en question qui t'a dit, même s'il était bienveillant, bien sûr, et qui t'a fait des retours, je trouve que ça colle pas. Tu vois, genre, il y a deux univers qui s'opposent. Il y a le c'était pas très drôle qui est quand même assez dur à entendre, et il y a le côté viens, je te paye un verre. Ah, tu vois, c'est, je sais pas, c'est une gentillesse. Enfin, c'est de la pas de la méchanceté, mais c'est genre de la trop grande sincérité. C'est de la sincérité poussée à l'extrême, suivie d'un truc complètement sympa. Tu sais, si tu lui avais dit « excusez-moi, vous en avez pensé quoi ?» et qu'il t'avait dit « viens, je te paye un verre ». Tu vois, là déjà… Là, ça veut dire, qu'il y avait une belle énergie, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait une belle énergie, tu vois. Donc là, ça va. Mais quand le mec te dit « c'était pas drôle », tu sais, normalement, c'est tellement violent et trop sincère que normalement, le seul move à faire après, c'est de partir. Je parle du mec, hein, pas de toi, tu vois. Ouais, complètement. Non, mais écoute, c'était un mélange. Bon, après, le mec a peut-être été un peu maladroit en le disant, mais il a été quand même sympa. Et puis surtout, il t'a fait des retours. Parce que ça, je tiens à le préciser vraiment, on n'est pas contre les retours constructifs. Complètement. Tu sais, parce qu'il y a des gens, des fois, ils critiquent. Tu sais, moi, par exemple, j'avais vu un mec, genre, il m'a balancé un truc sur, tu sais, il y avait un de mes passages et tout qui était sur YouTube. Et le mec, il met, ouais, c'est pas marrant, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai dit, ben, heureusement que je t'ai pas demandé ton avis, ou je sais plus, j'ai dû mettre un truc comme ça. Et t'en as un qui me fait, ah, mais t'as vu, t'acceptes pas la critique et tout. J'ai dit, non, j'accepte la critique. Mais là, ce n'est pas une critique. Tu sais, genre, si quelqu'un te dit « ouais, ce que tu fais, c'est de la merde », ce n'est pas une critique constructive. C'est juste une attaque, en fait. Par contre, si le mec te dit « écoute, j'ai vraiment pas aimé parce que ça manquait de mise en scène, ça manquait de rythme, les blagues étaient peut-être pas assez poussées », là, c'est constructif. Et complètement. Et puis, c'est comme ça que tu avances. Puis, c'est tellement facile, tu vois, que fait de dénigrer comme ça. En plus, l'autre, il t'a dit ça en commentaire, c'est ça? Oui, ouais, je crois bien. Ouais, il y a ce truc-là aussi caché, tu vois, derrière un ordinateur, tu vois, qui est un peu facile. Ouais. Non, moi, je ne serais jamais contre les retours constructifs. Tu vois, tant que c'est vraiment, genre, j'ai pas aimé parce qu'il y avait telle chose, eh bien, très bien, merci pour votre retour. Après, tu prends en compte et tu changes ou pas, ça, c'est toi qui vois, mais au moins, c'est constructif. Alors que le mec, il te fait, ouais, c'était de la merde, c'était pourri ton truc. Ben, tu veux que j'en fasse quoi de cette info, en fait? Ben, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est ne reviens pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, tu vois? Ça, je pense que, tu vois, il y a même rien d'autre à dire, en fait, tu vois, parce que ça avance, voilà, ça avance strictement à rien, quoi. Mais exactement, et moi, j'aime pas quand les gens, tu sais, genre, tu clashes un peu un mec qui t'a clashé dans ce style-là, tu le clashes un peu en retour dans les commentaires, et t'as toujours quelqu'un qui va dire, ouais, mais quand on est artiste, il faut être prêt à prendre des critiques. Non, on est prêt à écouter des critiques constructives, mais pas des attaques, on n'est pas là, on n'est pas des punching balls, tu vois. Mais ça, complètement, surtout que, bon, malheureusement, tu vois, il suffit, comme tu dis, t'as un mec comme ça qui te balance un commentaire sans aucun intérêt, tu vois, toi derrière, tu rattaques, et en fait, ça fait une espèce de boule de neige, en fait, de violence, et qui, au final, tu vois, après, ça peut partir en insulte et tout, mais au final, le point de départ, c'était savoir ce que le mec en avait pensé, et pff, ben, au final, t'en sauras jamais rien, et t'auras eu une avancée de commentaires violents, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, au final, quoi. Exactement. Mais alors que ça sert à rien. La solution, c'est simple. C'est tu dis au mec, c'était pas très marrant, et tu lui payes un verre. Voilà, exactement. Pour les jeunes qui veulent se lancer dans le stand-up, je pense que ça peut être. Ou alors les gens qui vont aller voir des spectacles de stand-up pour la première fois, et ben voilà, pensez à faire cette bonne action à la fin d'un spectacle si vous n'avez pas aimé. Ça fait une bonne conclusion, Ah dis-moi. ah bah oui, c'est une très belle conclusion, c'est sûr. Hein, on remercie ce monsieur pour sa sincérité et sa générosité. Et je te remercie, toi, d'avoir partagé ces anecdotes avec nous. Merci à toi, mon Sofiane. Et avec grand plaisir. C'était un honneur vraiment de t'avoir dans le podcast. Ça fait un petit moment qu'on en parlait. C'est Et vrai. oui, et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, Olivier Touré, Thourette, ou sinon, plus simple, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pause Ciné. Donc là, pour le coup, bah, rien à voir avec le stand-up. On est plus sur un axe cinéma. Le concept est tout simple. J'écris des scènes en tout genre. Ça peut être de la comédie, du drame, comme du thriller. Je les mets en scène, je les réalise et je joue avec des comédiens et des guests. Et j'essaye de sortir ça tous les premiers de chaque mois. Donc ça fait 2 ans maintenant que je fais ça. Et à chaque vidéo, bah, j'essaye de mettre de plus en plus de moyens techniques, des moyens de jeu, etc. Donc je suis pas toujours très ponctuel sur la notion de premier de chaque mois. Mais voilà, j'essaye d'avoir la meilleure qualité possible. Donc en général, voilà, c'est, on va dire, tous les 2 à 3 mois, voilà, on est sûr d'avoir une vidéo avec le plus de qualité possible, je l'espère. Bien sûr, bah écoute, moi je suis abonné à la chaîne et j'ai regardé tous les posts ciné jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, je suis vraiment fan du concept. Bravo à toi. Et Merci. Bon, ah bah j'espère. c'est. Et bah avec grand plaisir, c'est sincère, tu vois, et c'est propre parce que, en effet, moi je vois, tu sais, moi j'aime bien faire des vidéos et tout, mais genre c'est des vidéos à l'arrache, sans qualité, sans aucune qualité cinématographique, tu vois. Alors que toi, c'est vraiment, on sent qu'il y a une équipe autour, qu'il y a quelqu'un qui gère les lumières, un mec prêt à remonter le disjoncteur comme toi, tu vois. Exactement. Hey, est-ce que du coup c'est les glandeurs nature qui viennent remonter le disjoncteur pendant tes tournages? Non, non, non, non, non, c'est. Je sais même pas qui c'est. D'accord. Non, mais T'imagines la violence et les glandeurs naturels avec la carrière qu'ils ont si d'un coup ils sont là à venir te remonter le disjoncteur, je leur souhaite pas, vraiment. non, non, non. Et puis bon, je pense pas que ça leur arrivera. On leur souhaite le meilleur. Ils sont très gentils. J'avais fait leur première partie aussi quand ils étaient venus à Bordeaux. Et ils sont adorables, vraiment. Ils sont Et toi, tout géniaux. s'est bien passé? Bon, ça s'était bien passé. Oh, franchement, la lumière, nickel. Quelle chance! Non, franchement, ça va. Après, j'ai pas pris de risque. Hein. J'avais sorti un sketch sûr, tu vois. J'ai pas testé ou quoi. Ça s'est bien passé. Et puis après, je les ai annoncés. Eux, ils ont cartonné avec leur spectacle. Enfin voilà quoi. Ils sont, c'est les, voilà, Néné Bichoco quoi. Hein. C'est comme Ça, ça. exactement. Ils sont trop forts. C'est Moi, bon. j'aime beaucoup. Hein. Je suis fan d'eux. Je les écoutais sur Rire et Chanson à l'époque, quand ils étaient encore trois, si tu te souviens. Ah, j'ai pas connu ces. Non, je sais même pas. Je l'apprends. Ils m'ont rien dit. Non, mais parce que maintenant ils sont à deux depuis un moment. D'après ce que j'ai compris, j'ai discuté avec eux. Moi, d'après ce que j'avais compris, ils étaient deux, puis ils étaient trois et ils sont redevenus deux. Mais le duo d'origine est toujours là, tu vois. Ah, ben, il faudra qu'ils viennent faire un podcast pour en parler, là. Ah ben, je les invite avec grand plaisir. Hein. Je vais essayer de les contacter pour organiser ça. Et franchement, ça me fera bien plaisir de les écouter. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, non, ben, je te dis franchement, c'était bien. La première partie s'est très bien passée. Et leur spectacle est tellement bon que je suis sûr qu'ils n'ont pas besoin de venir remonter les disjoncteurs sur Post Ciné. Donc, Je pense aussi, ouais, c'est clair. Par contre, vous avez besoin d'aller voir les vidéos post-ciné parce que vraiment c'est super intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des morceaux, c'est des petits morceaux. Il n'y a pas de nécessité d'avoir une vraiment de connaître toute l'histoire avant ou de voir le développement après. C'est un morceau, c'est un instantané, j'ai l'impression, sur une scène qui pourrait être dans un film. Exactement, mais c'est ça en fait, la magie du truc, c'est dans mon écriture, je fais en sorte. De faire supposer aux gens voilà qu'il s'est passé quelque chose avant et qui va se passer quelque chose après. Donc soit je calcule ce truc-là en fait dans l'écriture et bien sûr après de toute façon c'est toujours un plaisir et bon surtout là ça fait 1 an et demi où la situation des artistes de tout le monde j'ai envie de te dire est compliquée donc c'est cool de pouvoir faire ça de manière autonome voilà ça je cherchais le terme quoi. Ah, mais très bien, très bien. Et vraiment, je te dis, la qualité va de mieux en mieux. C'était déjà très, très bien au début. Et là, on sent qu'il y a une vraie professionnalisation, de tes vidéos. Et ça fait plaisir. Et ça donne envie, de voir les suivantes. Merci beaucoup, mon Sofiane. Merci. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, je mettrai tous les liens. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.